Section 53. De La Lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johann. La Lecture, tome 2e. Section 53. Le manteau déchiré, conte de Noël, par Maxime Ducamp de l'Académie française, chapitre 6. Tout de même, pensait Jacques, en continuant sa route, il n'est point si mauvais qu'on le dit, le père Mouache. Il gravissait la montagne qui était dure à ses petites jambes et que la neige rendait plus dure encore. Il s'arrêtait pour souffler, et malgré le froid, malgré la bise, il s'essuyait le front en reprenant haleine, avant de se remettre en chemin. Parfois, dans le lointain, on entendait un bruit semblable à un gémissement. C'était une branche d'épicéa que brisait le poids de la neige. Pas un merle, pas un jais voletant sur les arbres, pas un souriceau courant au long du talus. Seuls quelques moineaux intrépides semblaient des taches noires sur la blancheur du sol et cherchaient pâture. À demi-voix, et comme pour scander sa marche, Jacques chantait « Il est né, le divin enfant ». Il allait, penché en avant, avec grand effort, tombant, enfonçant jusqu'aux genoux, ne se décourageant pas et riant même, lorsque, heurtant du pied une ornière durcie qu'il n'avait pu voir, il faisait la culbute. « Allons, encore un coup de jarret. Voilà tout près le taillis de la prévôté, où le père Monhache m'a dit qu'il y avait du bois mort. Et de vrai, il n'en manquait pas. Au-dessus des bruyères grelottantes, au-dessus des ronces affaissées, la neige dessinait des sillons à travers lesquels on apercevait la saillie des branches tombées. Le petit Jacques se mit à l'œuvre. Ah, comme il peinait! Il avait enlevé sa roulière pour avoir les mouvements plus libres. Ses jambes disparues dans la neige, ses mains, ses bras étaient trempés et transis de froid, tandis que son visage ruisselait de sueur. Il se redressait, regardait le tas de bois mort déjà rassemblé et se sentait joyeux en pensant aux belles flambées qu'il allait faire lorsqu'il serait rentré à la maison. Il eût bien voulu arracher de ci et de là quelques fougères pour donner du moelleux à son lit qui était mal rembourré. Mais il n'osa pas, et puis il n'avait pas le temps. La mère est au logis et gémit sous la couverture en écoutant souffler les rafales du nord. Jacques a ramassé tout le bois mort qu'il pourra porter. Il ajoute encore 2 ou 3 branchettes pour faire bonne mesure. À l'aide de sa corde, il lie son fagot avec précaution, afin que nul brindille ne s'échappe pendant la route. Il met sa roulière sur ses épaules, charge la falourde sur son dos, et appuyé sur un bâton qu'il a coupé, il s'engage dans le chemin le plus court qui conduit au village. Ses jambes tremblent un peu car le fardeau est pesant et la neige est profonde. Souvent, il fait halte et s'accote contre un arbre pour se reposer. Fin de la section 53.